Yeah. On se retrouve seul en bas quand on est dans la merde. Quand t'as fait tout ça passe, c'est bien plus des emmerdes. On rêve que tout s'arrange, mais tout est à l'enfer. Mais rien ne changera, le 13 restera impair. On se retrouve seul en bas quand on est dans la merde. Quand t'as fait tout ça passe, c'est bien plus des emmerdes. On rêve que tout s'arrange, mais tout est à l'enfer. Mais rien ne changera, le 13 restera impair. Quand je suis rentré dans le rap, personne croyait en moi. Quand je prépare tes albums, tout le monde veut signer mon contrat. Mon label démarre seul, je rappe tout en solo. J'ai pas besoin de feat, il n'y a qu'un seul micro. Poto, je suis franche, dis tout en face, un problème gueule sur ta face. T'as rien à dire, aucune critique, la vie de nique ta race. Change un dinar en euros, tu récolteras rien. Une meuf qui est cyber, tout le monde dira que c'est une chien. Il n'y a aucune confiance, l'amitié n'a pas de réglage. Des victimes d'une rumeur, des buts ont fait du piratage. Le début des emmerdes, ça commence toujours mal. Tu comptes sur tes amis, mes frères ils sont jamais hal. Après avoir subi du coup du deuxième touche. Après deux mois passés tes potes, ils deviennent louches. Trop de problèmes à régler alors t'enchaînes chaque jour. Quand tu mérites ta sanction, là ça devient lourd. On se retrouve seul en bas quand on est dans la merde. Quand ta peine touche sa fin, c'est bien plus des emmerdes. On rêve que tout s'arrange, mais tout est à l'enfer. Mais rien ne changera, le 13 restera impair. On se retrouve seul en bas quand on est dans la merde. Quand ta peine touche sa fin, c'est bien plus des emmerdes. On rêve que tout s'arrange, mais tout est à l'enfer. Mais rien ne changera, le 13 restera impair. Les haineux me suivent, ils écoutent mes mémons. Ils disent qu'ils puent la violence dans leur tête, c'est du bon du bon. Mafia vol 1, on te descend. Tu veux me doubler, c'est impossible car t'es trop lent. J'ai déjà viré de fond car avec eux y'a des emmerdes. On rêve d'une vie calme comme de bronzer au club. Maintenant y'a plus le choix, chaque jour c'est début de merde. Si tu me crois pas, demande à DJ Ahmed. Maintenant je reste caché car y'a des balances à proximité. Si t'es derrière les barreaux, dis au revoir à ta liberté. Début des emmerdes, début des emmerdes. Début des emmerdes, depuis le début des emmerdes. Des emmerdes. On se retrouve seul en bas quand on est dans la merde. Quand ta peine touche sa fin, c'est le début des emmerdes. On rêve que tout s'arrange, mais tout est à l'envers. Mais rien ne changera, le 13 restera impair. On se retrouve seul en bas quand on est dans la merde. Tout sa fin, c'est le début des emmerdes. On rêve que tout s'arrange, mais tout est à l'envers. Ne changera, le 13 restera impair. Parce qu'on veut toucher le ciel, le lui éloigner. À chaque jour sa peine, mais rien ne va s'arranger. Le regard droit en l'air pour prier le Seigneur. La vie c'est comme un livre, j'écris mes textes avec le cœur. Parce qu'on veut toucher le ciel, mais on est éloigné. À chaque jour sa peine, mais rien ne va s'arranger. Le regard droit en l'air pour prier le Seigneur. La vie c'est comme un livre, j'écris mes textes avec le cœur. Yeah. Sino. Ok. Début des emmerdes. Yeah.